je ne suis pas d'un naturel contrariant et qu'il a beaucoup d'autorité. À chaque fois qu'il a fini de parler, je lui réponds tout le temps. Oh oh, oui, oh oh, si tu le dis. Ah, c'est bien mon avis. Il aime la télé, il joue au tiercé, il joue au rugby. Il aime ses amis, tu les aimes aussi. Oui, oui. Jamais avoir tort, moi je lui dis qu'il est le plus fort. Même un amour comme il se prend pour Tarzan, je lui réponds tout le temps. Oh oh, oui, oh, si tu le dis. Oh oh, c'est réussi. Il veut t'entraîner, il veut t'embrasser, il te fait glisser, il croit te casser.